Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Arthur, et j'habite le meilleur village du monde entier. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il regorge de légendes géniales. Aujourd'hui, je vais vous raconter la légende de l'auberge des morts. À quelques mètres du cimetière, il y a une drôle de très vieille auberge. Impossible d'y dîner, elle est toujours fermée. Enfin, pas tout à fait. Une fois par an, ses portes s'ouvrent comme par magie lors de la première nuit sans lune. Et d'un coup, cet endroit froid et vide grouille de vie. Tous les fantômes des environs s'y pressent pour passer un moment avec leurs descendants, parler du bon vieux temps ou répondre aux questions des curieux. C'est grâce à eux que je connais autant de légendes incroyables. Mais attention à ne pas se laisser happer par leurs récits, car à minuit tout pile, l'auberge ferme ses portes. Et les pauvres imprudents qui se font coincer gagnent un aller direct pour le royaume des morts, qui n'est pas vraiment l'endroit le plus accueillant pour les vivants. Heureusement, ça n'est jamais arrivé.